الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la chaîne du Merkez de l'Imam Shafi'i, dirigée par notre noble cher, le cher Ahmed ibn Suleyman Badoukhoun, حفظه الله تعالى. Et donc l'allocution d'aujourd'hui va être une traduction approximative et résumée des propos de notre noble cher sur le sujet de la tragédie de la disparition des savants qui s'est manifestée par le décès du défunt cher, le faqih de Médine, le cher Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc après avoir fait khutbatul hajj, et après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant invoqué en sa faveur alayhi salatu wa salam, le cheikh a imploré Allah azza wa jal afin qu'il nous accorde le succès dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée et qu'il fasse de nous des gens bien guidés qui sont une cause de guidance pour les autres et qu'il nous préserve d'être du nombre des égarés qui provoquent l'égarement des autres. Et le cheikh, hafidhahullah ta'ala, a donc rappelé le sujet de cette allocution qui est la tragédie de la disparition des savants qui se manifeste à nous par le départ du faqih de Médine, cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri. Il mentionna que le cheikh Ubayd, rahimahullah, est décédé le jeudi 23 du mois de Jumad al-Oula de l'an 1444 de l'Hégire, rahimahullah. Et donc, en ce jour, les adeptes de la Sunna furent atteints par une perte énorme, la perte du savant, le grand savant de la Sunna, le Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri. Et donc, sa mort et sa perte est une calamité sans aucun doute, car il était un savant éducateur, un homme qui était un bon conseiller, un homme qui proclamait et qui parlait avec la vérité, c'était un critiqueur clairvoyant. Et c'était un homme vers lequel les gens se référaient pour trouver des solutions à leurs litiges et leurs problématiques. Et ceci était la manière d'agir des adeptes de la Sunna des Salafis dans le monde. Ils se référaient à Cheikh Ubayd al-Jabiri pour trouver des solutions, bi-idhnillahi azza wa jal. Et ceci était très rare, étant donné que nous sommes à une époque où les épreuves se sont multipliées, se sont diversifiées, et que le nombre de savants, éducateurs et pédagogues a grandement diminué. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri était un homme qui manifestait ouvertement la vérité, rahimahullah. Alors certes, nous sommes à Allah et certes vers lui nous allons retourner, et nous ne disons cependant que ce qui satisfait notre Seigneur. Il invoqua afin qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à Cheikh Ubayd et l'élève dans les degrés du paradis, et le remplace par quelqu'un de meilleur auprès des adeptes de la Sunna. Car bien que Cheikh Ubayd al-Jabiri, ce grand savant de la Sunna, est décédé, sachez que cette religion est préservée. Il y aura toujours quelqu'un pour porter cette religion, pour secourir cette religion et pour essayer de protéger cette religion. Et beaucoup de savants avant Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, sont décédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est mort, mais la religion est toujours là, car elle est préservée par Allah Azza wa Jal. Et il mentionna le verset de Surat Ali Imran, le verset 144, dont le sens en français est le suivant: Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retombe sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et il mentionna un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné alayhi salatu wa sallam que quiconque est éprouvé par une calamité alors qu'il se rappelle la calamité de ma perte. Et le cheikh a expliqué que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une énorme calamité, une terrible épreuve. Ce fut une calamité qui a atteint les compagnons dans un premier plan, en premier lieu. Elle affecta les compagnons qui vécurent directement cette épreuve et cette calamité. mais ce fut également une épreuve pour la Oumma musulmane dans son entièreté, du fait de perdre son prophète, alayhi salatu wasalam. Et dans la perte du prophète, alayhi salatu wasalam, et par son décès, ceci impliquait le fait de perdre le prophète, alayhi salatu wasalam, mais ceci impliquait également une rupture, une interruption dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fut une épreuve terrible, à tel point que certains parmi les individus qui étaient du nombre des musulmans à cette époque ont, pour certains d'entre eux, apostasié parmi ceux qui étaient faibles dans leur foi. Et alors se manifesta et se distingua la fermeté de la foi des compagnons parmi les muhajiroun et les ansar, qui furent fermes comme des montagnes dans la foi et dans leur pratique religieuse. Radiallahu anhum ajma'in. Et donc la mort du savant ne nuit pas aux musulmans sur la sunna, dans leur foi en eux-mêmes, en elles-mêmes, ou dans leur fermeté dans la droiture religieuse. Les adeptes de la sunna n'ont pas de fanatisme envers les savants, comme l'ont les soufis ou les rafida parmi les chiites. Et certes, la perte d'un savant est une calamité, et la perte de Cheikh Ubeid, sa perte est certes une grande calamité. Et ce n'est pas juste la perte de Cheikh Ubeid, la perte d'un savant n'est pas juste la disparition de son corps par le fait qu'il soit enterré, mais c'est la perte de sa science, le fait que sa lumière soit éteinte. Et la lumière de ce savant est éteinte, et alors prennent place les égarements et les ambiguïtés. Les musulmans et les adeptes de la sunna, et plus spécifiquement les étudiants en sciences, ont besoin des savants éducateurs, pédagogues, car ils sont le soleil, comme le soleil qui dissipe les ténèbres, ou comme une lampe avec laquelle on s'éclaire dans les ténèbres afin de distinguer le chemin sur lequel on chemine. Les savants sont des gens qui permettent de distinguer entre la vérité et la fausseté, entre la guidance et l'égarement, la science authentique de celle qui ne l'est pas. Les savants sont des références en cas de trouble, en cas d'épreuve. Ils orientent, ils conseillent, et auprès de eux, les cœurs des adeptes de la sunna et des musulmans s'apaisent. Lors des fitan, lors des troubles, lors des difficultés, lors des épreuves, les gens trouvent l'apaisement et la sérénité suite à la consultation des ulémas et de se référer à eux. Les savants sont des gens qui appellent à la vérité, appellent à la guidance les égarés. Ils sont une cause de clairvoyance pour ceux qui ont été aveuglés. Ils patientent sur les méfaits qui sont accomplis à leur encontre. Ils redonnent vie aux morts par le livre d'Allah. Et combien de gens qui furent tués par Iblis, à qui ils ont redonné vie? Et combien de gens qui étaient du nombre des égarés ont-ils guidé? Et le cheikh, hafadahullah ta'ala, mentionna la narration de cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Miftahu Dari Sa'ada, dans lequel il mentionna que les ulémas sont comme les étoiles dans le ciel, dont les gens se guident dans les ténèbres pour se repérer et se déplacer. Et il mentionna que le besoin envers le savoir que possèdent justement les ulémas, le besoin envers le savoir est un besoin qui est bien plus intense que le besoin envers la nourriture. Et que l'obéissance envers les savants est bien meilleure que l'obéissance envers les parents et les mères, de par le statut du Coran. Et il mentionna une anecdote concernant le fait que l'imam de Ahlus Sunna wal Jama'a, l'imam Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal, rahimahullah, il fut quelqu'un qui invoquait énormément et très fréquemment en faveur de son cheikh, l'imam Abu Abdillah Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah. Et son fils, c'est-à-dire le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, interrogea son père concernant le pourquoi de son abondance d'invocations en faveur de l'imam al-Shafi'i. Et donc l'imam Ahmed, parmi les éléments qu'il lui mentionna, il lui dit, parmi les éléments qu'il lui mentionna en guise de réponse, que l'imam Ash-Shafi'i était comme pour cette dunya tel le soleil, et pour les gens comme une préservation, une sécurité. En effet, Cheikh Ahmed Badoukhoun explique que les savants sont des gens qui orientent les gens vers les remèdes du cœur et de l'âme. Et donc, Il faut que l'étudiant en sciences donne le droit aux ulémas et invoque en leur faveur. Les étudiants en sciences doivent avoir de la considération envers les ulémas et invoquer en leur faveur avec abondance. Et donc, ne reconnaîtra en vérité la gravité de la perte d'un savant qu'une personne ayant connu le mérite du savoir et qui a connu la gravité des troubles lorsque dans ces troubles-là, il n'y a pas de savant vers lesquels on peut se référer. Et en vérité, ce sont les ignorants qui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation lorsqu'un savant meurt. À notre époque, combien sont nombreux les musulmans qui sont obnubilés par le fait de suivre la Coupe du Monde, mais qui ne se sont pas joints à la tristesse des adeptes de la Sunna par rapport à la mort de Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah. Certains ignorants se disent que la science, elle est dans les livres, elle est dans les audios, les enregistrements audio, et ils diront le halal est clair et l'illicite est clair, mentionnant ici le texte prophétique, Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Certes, le licite est clair et l'illicite est clair. Mais le cheikh mentionna que cependant, ces ignorants-là ont oublié la suite du hadith. Yani la suite du hadith mentionnant wa baynahuma mushtabihat. C'est-à-dire que parmi yani, les choses qui sont entre le halal et le haram, il y a des éléments qui sont équivoques, dont le jugement est ambigu, dont le jugement n'est pas clair. Dont peu de gens connaissent le jugement. Et ça fait référence aux ulémas, ça fait référence aux gens de science. Et il mentionna la narration de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a mentionné dans un de ses ouvrages la narration de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans laquelle il avait mentionné que la mort de 1000 dévots, c'est-à-dire la mort de 1000 musulmans pieux pratiquants, est moins grave que la mort d'un seul savant. Et l'imam ibn al-Qayyim, après avoir mentionné cette narration de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, concernant le savant et sa mort, mentionna et commenta cette narration en expliquant que le savant détruit l'effort bâti par Iblis avec sa science et son orientation, tandis que le dévot, c'est-à-dire l'adorateur pieux et dévoué, son bien est limité à sa propre personne. Et donc, il mentionna ensuite, hafidhahullah ta'ala, une narration de Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans laquelle il mentionna et questionna son auditoire. En leur demandant, savez-vous comment diminue l'islam? Et il donna un exemple pour clarifier comment diminue l'islam. Il expliqua en mentionnant un exemple d'un village, dans lequel deux savants résident. Lorsqu'un des deux savants meurt, la moitié de la science a disparu. Et lorsque le deuxième savant meurt, alors la science dans son entièreté a disparu. Et à l'époque de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, il y avait beaucoup de ulémas. Les ulémas étaient nombreux, les savants étaient nombreux. Des fois, on pouvait trouver des dizaines de ulémas dans une seule et même famille. On trouvait des ulémas dans une seule et même famille. Les ulémas étaient nombreux. Mais cependant, la perte des ulémas reste quelque chose de grave. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a questionné son auditoire en leur disant, savez-vous comment la science part? Et il répondit à cette question-là en disant par la mort des savants. Et le cheikh a expliqué car en l'absence des savants, quand les savants meurent, quand les savants disparaissent, alors les innovateurs, les perturbés, les gens qui prétendent avoir du savoir mais qui en sont dénués et qui en sont dépourvus, induisent les gens en erreur quant à ce qui concerne leur religion. Et il mentionna la narration d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans laquelle il avait mentionné, rahimahullah, rahmatan wasi'a, que la mort du savant est telle une brèche dans l'islam que rien ne saurait combler tant que le jour et la nuit se succéderont. Et Cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, fit un très pertinent commentaire concernant cette parole d'Al-Hassan al-Basri, en expliquant qu'Al-Hassan al-Basri a vécu à une époque où les ulémas étaient très nombreux. Les ulémas de la Sunna étaient très nombreux et la Sunna était en force et avait la domination à cette époque. Mais malgré cela, il dit que la mort du savant est telle une brèche d'islam que rien ne saurait combler tant que le jour et la nuit se succèdent. Et il dit cela alors qu'il a vécu, rahimahullah, à une époque où les ulémas étaient en multitude. Et Saïd ibn Jubair fut questionné concernant quel est le signe annonçant la destruction des gens, c'est-à-dire annonçant leur perte. Il répondit à cette question en disant, lorsque leurs savants périront. En vérité, seuls les étudiants en sciences ressentent vraiment la perte des ulémas. Ce qui donne aux savants leurs droits et leur rang et qui leur reconnaissent et qui leur reconnaissent leur juste valeur. La religion est certes préservée, mais la capacité de se référer aux ulémas et de pouvoir les questionner et se référer à eux se diminue et se restreint avec la mort et la disparition des ulémas. Et c'est pour cela que il mentionna le verset dont le sens approximatif en français est le suivant. Ne voit-il donc pas que nous frappons la terre de tous côtés et nous la réduisons de toutes parts? Et Abdullah ibn Abbas interpréta ce verset en expliquant que ce verset désignait la mort des ulémas. Car la mort des ulémas crée un vide chez les gens. Et ces textes et les narrations montrent la gravité de la situation. Car la mort des ulémas est une opportunité pour les déviants pour pouvoir se mettre en place. Et c'est un signe annonciateur de la destruction des gens. Et c'est un signe de la fin des temps. Car avec la mort des ulémas disparaît leur savoir. Et Allah n'enlève pas le savoir de cette dunya en l'enlevant des livres ou en l'enlevant du cœur des savants de telle sorte qu'un savant du jour au lendemain devienne un ignorant. Non. Mais Allah enlève le savoir par une méthode qui est défini dans des hadiths. En effet, le cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, a mentionné dans une narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la fin des temps, la disparition du savoir, l'enlèvement du savoir et l'établissement de l'ignorance. Et le cheikh a expliqué que quand le savoir sera enlevé, quand le savoir sera retiré, alors l'ignorance s'établira et aura la pérennité. Et il mentionna comment se fera ce retrait du savoir, comment la science sera enlevée. Il mentionna la narration d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, dans laquelle il rapporta du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah n'enlève pas la science en l'enlevant de la poitrine des gens, mais il enlève le savoir en faisant mourir les ulémas. Et lorsqu'il ne restera plus de ulémas, les gens prendront et mettront à leur tête des ignorants. Et ils les interrogeront dans les sujets religieux. Et ils émettront alors des avis juridiques, s'égarant eux-mêmes et égarant autrui par la même occasion. Et Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, wa radiallahu anhu, assista à l'enterrement du noble compagnon du messager d'Allah, Zayd ibn Thabit, qui était le scribe, un des scribes de la révélation, radiallahu anhum ajma'in. Et lors de l'enterrement de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas a dit, quiconque désirerait serait réjoui de savoir comment disparaît le savoir ou comment part le savoir. Voici comment le savoir part. Aujourd'hui fut enterré énormément de savoir. Ceci est une parole d'Abdullah ibn Abbas, désignant l'enterrement de Zayd ibn Thabit comme étant une disparition d'énormément de sciences, alors qu'Abdullah ibn Abbas était un compagnon du messager d'Allah, un savant de la communauté, un expert dans l'exégèse du Coran. Et lui dit cela, alors comment nous devrions être vis-à-vis de la mort du défunt, du grand savant Cheikh Ubayd al-Jabri? Certes, dans le jour où le cheikh est mort et fut enterré, et énormément de science fut enterrée avec lui. Et il mentionna la narration de Ayyub Sirtiyani, rahimahullah, dans laquelle il mentionna que lorsque lui parvenait la nouvelle du décès d'un homme parmi les adeptes de la Sunna, c'était comme s'il avait perdu un de ses membres. Et le rang des ulémas était tellement haut et ils recevaient tellement de considération de la part de leurs contemporains. Que Ibn Ja'far, rahimahullah, avait dit, si je pouvais donner de mon temps de vie à Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, je le ferais. C'est-à-dire, le fait que Ibn Ja'far, rahimahullah, S'il pouvait, il aurait donné du temps de vie qu'il aurait à vivre à l'imam al-Bukhari, car l'imam al-Bukhari était un savant dont les gens avaient besoin. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, était un lion de la sunna, proclamant la vérité, ferme dans les fitan, une référence pour les salafis du monde entier. Rahimahullah. Les gens de la sunna trouvaient auprès de lui un père doux, affectueux et bienveillant. Et les salafis savent que la religion est préservée. Et à chaque époque, Allah a fait qu'il y aura des ulémas qui transmettront cette religion. Et le cheikh Ubayd al-Jabiri a des frères parmi les ulémas. En vertu du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura de cesse d'avoir un groupe de ma communauté apparent sur la vérité. Ne leur nuiront pas ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui les opposent, jusqu'à ce que se concrétise l'ordre d'Allah alors qu'ils sont dans cette situation. Et le terme apparent sur la vérité pourrait être traduit plutôt par secouru sur la vérité. Wallahu a'lam. Et Ayoub Sirtiani, rahimahullah, fut observé et vu en train de laver le corps d'un défunt, c'est-à-dire qu'il procédait au lavage mortuaire d'un adepte de la sunna, et dit, certes, ceux qui désirent et qui espèrent la mort des adeptes de la sunna, ils désirent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah va certes mais Allah va certes parachever sa lumière, et cela même si les mécréants détestent cela. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun commenta cette narration en disant que ceux parmi les innovateurs et les ennemis des adeptes de la sunna et les ennemis des ulémas sont similaires à cela. Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, a vécu une vie pleine d'adoration et d'enseignement et de proclamation de la vérité et de dissémination de la religion islamique. Il fit une brève biographie du cheikh Ubayd al-Jabri. Le cheikh Ubayd al-Jabri est né en 1357 de l'Égypte et perdit la vie à l'âge de 87 ans. Il a perdu la vue à l'âge de 2 ans, mais ceci ne l'empêcha pas d'acquérir le savoir et même d'exceller dans l'acquisition du savoir. Rahimahullah. Il intégra l'institut scientifique religieux dans lequel il étudia 5 ans durant, puis il intégra la faculté de la législation islamique, c'est-à-dire Kulliyatush-Shari'a, de laquelle il fut diplômé en 1392 de l'Égypte. Et parmi les ulémas auprès desquels il étudia, le cheikh d'Afrique, Omar Fallata, le savant du tafsir, Abdurrahman al-Ajlan, le cheikh Hamad al-Ansari, le grand savant du Mali, et le savant du hadith de Médine, cheikh Abdul Mohsin ibn Hamad al-Abbad al-Batr. Parmi les postes qu'il occupa, il occupa le poste d'imam durant 5 ans, à partir de l'an 1387, rahimahullah. Pendant 5 années durant, il fut imam au sein d'une mosquée, Masjid al-Sabt. Et il fut également par la suite professeur au sein du collège de Jeddah, de la ville de Jeddah, le collège Omar ibn Abdel Aziz, dans lequel il enseigna pendant de nombreuses années, pendant plusieurs années. Et par la suite, il fut désigné comme prêcheur au sein du centre de prêche, dans lequel il enseigna et il fit des efforts pendant 8 ans, de l'an 1396 de l'Égypte à l'an 1404. Pour rappel, nous sommes en l'an 1444. Et il était, au sein de ce bureau de prêche, assistant du directeur auquel il accordait son aide et son assistance, et il était son remplaçant lorsque ce directeur s'absentait. Et tout ceci sous la supervision du grand savant, le cheikh Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz, qui était le mufti de la Mamlaka du Royaume d'Arabie Saoudite de cette époque. Et cheikh Ahmed Badoukhoun rapporta une anecdote qu'il rapporte de cheikh Ubayd, que cheikh Ubayd al-Jabri lui mentionna lorsqu'il eut une assise avec le cheikh, rahimahullah, dans laquelle il décrivit et il mentionna certains éléments relatifs à sa vie. Et il expliqua que lorsqu'il était au sein du bureau de prêche durant ces années, il était quelqu'un qui assistait le directeur et qui prenait sa place et qui agissait en tant que remplaçant pour le directeur durant son absence. Mais cependant, cette activité le détournait du savoir. c'est-à-dire de la révision du savoir et de se consacrer au savoir. Et donc, il voulut obtenir autorisation afin d'être libéré de cette responsabilité, afin de pouvoir se consacrer à la révision du savoir et à son acquisition. Et lorsqu'il demanda la permission à Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz de pouvoir quitter son poste, Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz lui répondit: Nous avons besoin de toi, ô Cheikh Ubaid, et tes efforts sont louables. Donc le Cheikh Ubaid al-Jabri patienta encore pendant quelque temps, puis il redemanda la permission à Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz d'être dispensé de cette responsabilité, ce que Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz lui accorda. Puis alors il se mit à enseigner au sein de l'université islamique de Médine et dans les différents complexes et dans deux postes différents au sein de cette administration, et ce durant 13 ans. Mais durant ces 13 années d'enseignement, il acquit également, en étudiant à côté, il acquit le magistère, le diplôme que l'on obtient après le diplôme qu'on obtient dans la kulliya, dans la faculté. Il obtint le magistère dans le domaine du hadith. Puis, au bout de 13 années d'enseignement au sein du corps professoral de l'Université islamique de Médine et des différents postes qu'il occupa, il prit sa retraite. Et après sa retraite, il ne prit pas sa retraite bil kulliya, de façon catégorique. Il prit sa retraite concernant son emploi de fonctionnaire. Mais il se consacra ensuite, une fois libéré de ses fonctions de fonctionnaire de l'État, il se consacra à l'enseignement, à la supervision d'édition de ses livres, jusqu'à ce qu'il meure. Rahimahullah. Et il a de nombreux ouvrages, et parmi les plus conséquents de ces ouvrages, son explication du résumé du Sahih de l'imam Muslim, compilé et résumé par l'imam Al-Mundhiri, rahimahullah, qu'il révisait assez fréquemment, de temps en temps. Et lorsqu'il était, il recevait des incitations de la part du directeur de la maison d'édition d'El-Mirath Al-Nabawi, d'Al-Jazair, qui est en Algérie, il disait qu'il avait besoin d'être révisé. C'est-à-dire cet ouvrage. Cet ouvrage de Cheikh Ubaid est le plus conséquent de ces ouvrages en termes de nombre de volumes. En effet, cet ouvrage est de 21 volumes et dont l'édition sera faite prochainement, Inch'Allah ta'ala. Et quant à ses caractéristiques et son comportement, rahimahullah, le Cheikh Ahmed Badoukhoun décrit le Cheikh Ubaid al-Jabri comme quelqu'un qui était connu pour être quelqu'un qui aimait les adeptes de la Sunna, qui était doux envers les gens, accueillant, bienveillant, doux, et qui était quelqu'un qui s'enquérait et qui questionnait sur la situation des gens, soucieux de leur bonne situation. Et c'était quelqu'un de modeste et de humble. Et c'était quelqu'un qui était ferme lors des époques de troubles et de tumultes. C'était quelqu'un qui disait la vérité et qui n'avait peur que d'Allah. Et qui avait de l'humilité et qui était quelqu'un qui reconnaissait lorsqu'il tombait dans l'erreur. Il a eu, durant sa vie, des moments où il fut notifié concernant des propos erronés qu'il avait tenus, et il n'eut pas honte de se rétracter et de dire: je me suis trompé concernant tel sujet. Et ceci fait partie de sa noblesse. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et concernant comment il était dans sa maison, le Cheikh Ubaid al-Jabri fut décrit par sa fille, qu'Allah la préserve, qui décrivit son père, Cheikh Ubaid al-Jabri, comme étant quelqu'un qui était en public comme en privé, de manière similaire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était doté d'un bon comportement, qui était un homme bienveillant, un homme doux et un adorateur d'Allah et un homme de science, en public comme en privé. En effet, il y a parmi les étudiants en sciences des gens qui, lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'ils sont en public, ces gens-là ordonnent le bien, interdisent le mal, sont bienveillants envers les gens, mais lorsqu'ils sont avec leur famille, ils sont une toute autre personne. Cheikh Ubaid al-Jabri n'était pas comme ça. Il était quelqu'un qui était tel qu'il était en privé, il était pareil en public. Tel qu'il était en public, il était pareil en privé. C'est-à-dire quelqu'un qui était un homme sur la sunna et qui agissait avec science. Et sa fille le décrivit donc similaire en public comme en privé, si ce n'est qu'en privé, il augmentait en douceur et en affection envers les membres de sa famille. Et c'était quelqu'un qui ne délaissa pas la prière de nuit, qiyam al-layl, durant sa vie ou durant la vie qu'il a eue, qu'il soit en état de bonne santé ou qu'il soit malade. Il ne délaissait pas qiyam al-layl. Et c'était quelqu'un qui était abondant dans le dhikr, même dans la maladie qui fut la cause de sa mort. Et il mentionnait, cherchant par ses propos à faire patientait si les membres de sa famille, il mentionnait certes Allah éprouve avec les réjouissances et avec les nuisances, cherchant par ses propos à apaiser et à conforter dans la patience les membres de sa famille. Et il louait Allah pour lui avoir accordé une bonne croyance et de l'avoir guidé vers le minhaj, qui était le minhaj de droiture. Et sa fille révisait avec lui ses livres et révisait les hadiths avec lui, rahimahullah. Et parmi les derniers ouvrages qui lui furent lus, rahimahullah, la poésie de notre noble cheikh, le cheikh Khalid ibn Dahoui al-Zafiri, qui était une poésie qu'il a composée, hafidhahullah, sur les mérites de la shahada, de la ilaha illallah. Et cette poésie plut énormément à cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah. Et Cheikh Ubayd al-Jabri était quelqu'un qui a accordé beaucoup d'importance au prêche, à la da'wa, et que cette da'wa soit accomplie avec science, avec courage. Et c'était quelqu'un qui donnait le bon conseil, c'était quelqu'un qui ordonnait le bien, qui interdisait le mal, et qui en temps de troubles, en temps d'épreuves, en temps de difficultés, était un homme qui était ferme. Et c'était quelqu'un qui patientait sur le mal auquel il faisait face dans l'adversité relative à la da'wa, à la da'wa à Allah. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun fit la mention du verset dont le sens approximatif en français est le suivant: et ordonne le bien et interdit le mal et patiente sur ce qui t'atteindra. Et donc, quiconque désire transmettre la religion et la vérité n'accordera donc aucune importance à ce que les gens diront de lui. Et cheikh Ubayd al-Jabri avait du souci et a fait des efforts vis-à-vis du Yémen afin de secourir les gens du Yémen parmi les adeptes de la Sunna, les adeptes de l'islam. Et il a été ferme et il a tenu tête aux têtes, parmi les têtes de l'innovation et de ses adeptes. En la personne parmi eux, il y a parmi eux une des têtes des innovateurs de cette époque, parmi les Haddadi, Yahya al-Hajouri. Et il clarifia la vérité, rahimahullah, et fut ferme dans cette fitna qui eut lieu il y a à peu près 15 ans, dans laquelle il clarifia la vérité, secourut les innocents qui furent lésés et à l'encontre desquels il y eut des transgressions. Et il vint lui-même au Yémen à deux reprises, en l'an 1426, il y a 18 ans, et en 1429. Dans des voyages, alors que le cheikh était aveugle, le cheikh voyagea au Yémen et participa à des séminaires et donna des cours. Lorsque s'intensifièrent les exactions des Haddadi, il enseigna avec pédagogie et bonne orientation. Et il a subi des torts de la part des Haddadi, notamment de la part de Yahya al-Hajouri, qui traitait de Cheikh Ubayd en le décrivant comme étant quelqu'un qui était aveugle au niveau de ses yeux, mais également aveuglé au niveau de sa clairvoyance, c'est-à-dire sa compréhension de la religion. Na'udhu billah. Et également, il traitait Cheikh Ubayd al-Jabri comme étant un dajjal, comme étant un dajjal, un grand imposteur, un menteur parmi les dajjalis. Na'udhu billah. Et Cheikh Ubayd al-Jabri continuait à défendre la religion et ce qu'il défendait, c'était la religion et non pas sa personne. Et lorsqu'il y eut, et ce qui montre l'intégrité de Cheikh Ubayd al-Jabri et la volonté qu'il avait de défendre les musulmans, le fait que lorsqu'il y eut la fitna des chiites rafidites qui s'attaquèrent à Dammaj, qui était un lieu dans lequel Yahya al-Hajouri, qui a insulté Cheikh Ubayd, résidait. Lui et des gens parmi les innovateurs et parmi des suiveurs qui le suivaient aveuglément et parmi des adeptes de la Sunna qui résidaient à Dammaj, Cheikh Ubayd al-Jabri fut un des premiers, si ce n'est le premier, à appeler les gens à porter secours aux gens de Dammaj contre les attaques des chiites, où résidait Yahya al-Hajouri, qui était un leader de l'innovation et qui portait atteinte à son égard. Mais malgré cela, Cheikh Ubayd al-Jabri appelé à la lutte pour la protection des gens de Dammaj contre les attaques des chiites rafidites. Et durant la fitna de Mohammed al-Imam, Cheikh Ubayd al-Jabri a proclamé la vérité, rahimahullah. En effet, Cheikh Mohammed al-Imam, qui était connu pour la sunna, s'est mis à appeler à l'union fraternelle avec les chiites rafidites, approuvant leurs égarements et faisant comme si de rien n'était. Et Cheikh Ubayd al-Jabri a proclamé la vérité et a mis en garde contre lui. Et il a demandé aux savants et aux Toulab al-Ilm du Yémen, parmi les Toulab al-Ilm qui étaient des gens dotés de savoir du Yémen, de se désavouer de ce pacte fraternel déviant. Et certains s'enorgueillirent et prétendirent que Cheikh Ubayd les jalousait et s'immisçait dans ce qui ne le regarde pas. Alors que Cheikh Ubayd a parlé avec la vérité selon ce qui lui paraissait comme étant la vérité. Rahimahullah. Et le Cheikh Ubayd al-Jabri, Rahimahullah, a des droits sur nous. Nous nous devons d'invoquer en sa faveur. Et les ulémas, nous nous devons d'invoquer en leur faveur, d'implorer la miséricorde et le pardon en leur faveur, de propager leur science, de tirer leçon concernant le fait de tirer des leçons de leur biographie, de lire leur biographie, de consulter leur biographie, de donner aux savants et aux ulémas leur rang durant leur vie et après leur mort. Et le fait de tirer des leçons de leur vie et tirer des profits concernant ce que l'on observe de leur comportement et de ce que l'on lit et on consulte et on observe dans leur biographie. Et les étudiants en sciences doivent donner de l'importance aux ulémas. Ils doivent leur donner de la considération. Et on se doit de savoir que les fitan, les troubles et les épreuves n'auront de cesse de se succéder. Les fitan sont prédestinées à se succéder. Et elles s'enchaîneront. Et elles s'intensifieront au fur et à mesure que le temps passe, à tel point que viendra des fitan qui se succéderont telles des vagues, et le musulman décrira la nouvelle fitna comme étant celle qui la détruira, ce sera celle-là. Tant l'intensité des fitan qui se succéderont seront intenses. Et donc, on ne doit pas, dans les temps de troubles et d'épreuves, devancer les ulémas. Les étudiants en sciences se doivent d'étudier le savoir, de se focaliser sur l'apprentissage, l'étude, la révision, la maîtrise du savoir, et ne pas devancer les ulémas, mais se référer à eux et de ne pas les devancer. Puis le cheikh fit des invocations en faveur de cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, rahmatan wasi'a, et fit des invocations en faveur de sa personne et de l'auditoire. Nous implorons Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs, de faire miséricorde à Cheikh Ubayd al-Jabri ainsi que tous les ulémas de la Sunna, qu'Allah leur multiplie leur récompense et leur pardonne leurs manquements, et qu'Allah nous accorde à nous tous une bonne fin. Et ceci est la fin de ma modeste traduction approximative et résumée des propos de notre noble Cheikh Ahmed Badourhoun concernant le décès du Cheikh Ubayd al-Jabri. Et j'attire votre attention concernant le fait que un des héritiers de Cheikh Ubayd al-Jabri en la personne de Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, dont Cheikh Ubayd al-Jabri a fait les éloges, et qui est connu pour sa science et est en ce moment en Europe. Profitez de lui si vous en avez la capacité. Wa billahi ta'ala at-tawfiq. Hadha wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.